Chapitre 12e. Il n'y a que peu de mots à ajouter à ce récit. On a dit que les pays heureux n'ont pas d'histoire. On pourra en dire autant des unions paisibles. Toutefois, il vaut la peine de constater que ce ne fut pas le curé de l'église anglicane de Rouméra qui fut appelé à conférer la bénédiction nuptiale à Arthur et à Madame Murray. Le mariage fut contracté civilement à Melbourne. Et bien qu'on eût voulu éviter surtout la publicité, l'affaire ne manqua pas de faire quelque bruit dans la ville. L'ami Sinclair eut un rire de contentement en apprenant la nouvelle du mariage de sa voisine avec le précepteur qu'il lui avait recommandé. « Elle a trouvé le maître qu'il lui fallait, » dit-il, « et il avait raison. » Ainsi s'achève l'amour aux antipodes de Tasma.